Le Comité international de la Croix-Rouge, la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et les représentants des sociétés de la Croix-Rouge du Danemark, de Finlande et de Grande-Bretagne sont arrivés le 17 à Pyongyang par vol pour participer à la conférence de la Croix-Rouge et au meeting consacré au 70e anniversaire de la fondation de la Société de la Croix-Rouge de la République populaire démocratique de Corée.